En amour, celui qui guérit le premier est toujours le mieux guéri. Petit frère propre à Kando Mamadou. Aho komyo lekisa et pourtant la notice a médicament ya kolingo. Sono malonga mo pepe Riva okula tsongo David Akwango Natango nzote kotaka bokono Esenga kase medesa ya kosove yo Yamache Ubanza En cas de panne voiture fin Ya titi Esenga kase mécanicien po abongisa Kasi pona karanga rife ya molo bikinye Pona kananga ezo se nase Ase ezo se o Kwe yo mato me di sama Kwe strategi danso tonaka Rife ya mabelo Lika mo ya monge kome linga lelo tonje de mo Yo tonge linga lilita na simetye Chambre nanga ya rectangle finiki yango couvercle na kata chambre ngo na kozala aveugle to soumiwe vision nanga ekomi nango limité C'est Morlinde, Magali Bumpeni, Amatala Sentia, Biti Kutu. Yeah, yeah, yeah. Olimona, yo, yeko, kelinga, na tsoto. Yeko, misinga, neti, mwana, moke. Koto, soli, waka, nimele, ya mama. Kifela, kaliwa, soka, lilinga, na bonde. Na front to to to Norelis Malonga to to to eh akokunda moto yokomi Gabi Cyril Simon Mela na yo champagne mwana mama ake ake na ye L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ape si bolingo bile Afrika baxi bi mon andenge nae. Yango mo balata wa sangi mbo mo makasi na loke tue jala. Mona ngumba yo mo pandi bisika basu ni mwe batami. Mona ndengo mbinga yo salinga yu Florent Vital, j'ai mal partout. Yeah yeah mama rive ma melo. Bonjour. Tango kota ka sombra nere a santaka. Sentiment. Maman Babette. Bolingo ya kanango fele na mokili ya na klenyemse Mama mudi batiangu na kontre tango Bali ya kadisone Regis Bride Rekoso nini yo si poto kabola meto dango Sire kobili ya verte rosi Poto kabola sekele Yema kosa na mabene bikela Mwanza metumbwe sa makasi Hey ya Ya elo shakwa la kabola Estelle Larissa Ah kina karmele Bolingo ya tiki ntoto Nakachati mayena Songa bébé, oyo bakosa kaye na kudila na bombo na biscuit s'il te plaît chérie. Molimo tokaza la kaye tobo, mais même pour un gole champion. Lingo ma, na komeli sangui la lutte bébé puisso va jaloux mata yo sana aja bébé te pananga na bengyo bébé. Pour la bon la beauté mais pour tout le melaisha. Pene na yo chimbe sto la escola como yo sana pa million. Na komi kobela, na komi kobela bolingo lokola bébé soki yo songi te zote kokota boko persona na rufe ya mabelo papa tala ningo komi fongola porte ya badouleur na kati ya motema nanga ndeke o apungaki na dizera komi kutu mama jeos pila sir okanza nkuka bizenga liota bolingo na yo epoke lingana nzoto ekomisinga neti mwana moke otoasoyakalibele ya mama etalakalina soka lilinga na bondela ye sesa mer bulu belvia mama na mesila tikson papa na rege juse amonga Picho Amonga, il est Kamara l'homme. Lewis Mangasa, moi n'en pilaki. Eric Bombe, Joujoule, Maman Akefan. Et la petite reine King a toujours un système. Chikaya Rose, Nadia Gamba. Léa Adwa, Brice Adwa. La marraine Lilintaï Adé. Bichou Balé Balé, Priska Okema, Melissa Okema.